Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illa Allah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا حياكم الله. Donc nous allons continuer l'explication du livre intitulé Les trois fondements, écrit par le grand savant Cheikhoul Islam Muhammad Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah Rahmatan Wasi'a. Et donc, on s'était arrêté à la parole de l'auteur lorsqu'il dit: quiconque, donc vous, une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah, est un polythéiste mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, selon le sens, et quiconque adore avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente de son droit d'être adoré, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Ensuite, l'auteur par la suite dit: de même, il y a le hadith suivant: l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Donc, concernant la parole de l'auteur lorsqu'il dit: de même, il y a le hadith suivant: l'invocation est l'essentiel de l'adoration, ce hadith-là que l'auteur a mentionné est un hadith qui est faible. Il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Mais l'imam al-Tirmidhi, après avoir mentionné ce hadith, il en a mentionné un autre qui est authentique. Donc dans son livre, l'imam al-Tirmidhi, dans son livre intitulé Al-Jami'a, il a mentionné ce hadith que l'auteur a mentionné: l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Mais ce hadith est faible. Après avoir mentionné ce hadith, l'imam al-Tirmidhi, donc dans ce livre-là, Al-Jami', il a mentionné un autre hadith qui, lui, est authentique. Et ce hadith-là est l'invocation et l'adoration. Donc ce hadith-là, il est authentique. Mais le hadith, l'invocation et l'essentiel de l'adoration, est un hadith faible. Et donc dans le hadith, l'invocation, c'est l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un procédé qui est fréquent dans la sunna. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiallahu an: la religion, c'est le conseil. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Al-Hajj Arafah. Le Hajj, c'est Arafah. Et donc ici, la question que l'on se pose: est-ce que cela veut dire que l'invocation, c'est toute l'adoration, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: l'invocation, c'est l'adoration? La réponse est non. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer l'importance de l'invocation. Il veut nous montrer ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de l'invocation. Tout comme dans le hadith où il nous dit: la religion, c'est le conseil. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer l'importance du conseil en religion. Mais ça ne veut pas dire que le conseil fait toute la religion ou est toute la religion. Et en ce qui concerne l'invocation, dans la langue arabe, elle signifie la demande. Elle signifie dans la langue arabe la demande. Et l'invocation, d'un point de vue général, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est l'invocation de demande. C'est le fait de demander quelque chose à Allah, subhanahu wa ta'ala. Exemple, tu vas dire, ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, fais-moi miséricorde. Ô Allah, facilite-moi. Donc on appelle cette invocation une invocation de demande. Et la deuxième catégorie, c'est l'invocation d'adoration. Et toutes les adorations entrent dans cette catégorie. Et quelqu'un, il peut poser la question suivante. Comment ça se fait que toutes les adorations rentrent dans cette catégorie? Pourquoi toutes les adorations, on va les appeler invocations d'adoration? La réponse à cette question, c'est que lorsqu'une personne, elle fait une adoration, n'importe laquelle, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit le hajj, qu'est-ce que cette personne-là veut par cette adoration? Elle veut qu'Allah la récompense. Elle veut aussi qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah l'écarte du châtiment. Et donc la personne demande ces choses-là par son action. Elle demande ces choses-là par son action. C'est pour cela qu'on appelle toute adoration invocation d'adoration. Car cette chose-là qu'on a mentionnée précédemment, elle est présente dans toutes les adorations. La personne qui prie, qu'est-ce qu'elle veut par sa prière? Elle veut qu'Allah la fasse rentrer au paradis et l'écarte de l'enfer. Donc elle demande ces choses-là. Est-ce qu'elle demande ces choses-là de vive voix, comme lorsqu'elle invoque Allah d'une invocation de demande? Non. Elle fait ça par quoi? Par son action. Donc elle demande par son action, par son état. Elle demande ces choses au contraire de l'invocation de demande. L'invocation de demande, la personne demande ça. Donc par sa bouche, elle la demande directement. Donc, ce sont les deux catégories, donc d'un point de vue général, d'invocation. La première, on a dit l'invocation de demande, et la deuxième, l'invocation d'adoration, et toutes les adorations rentrent dans cette catégorie. Ensuite, d'un point de vue de son jugement, l'invocation se divise en trois catégories. La première catégorie, Ikhwani fillah, c'est l'invocation qui est une adoration. Et elle consiste tout simplement à demander à Allah quelque chose. Lorsque tu dis, ô Allah, pardonne-moi, ô Allah, facilite-moi, ceci est une adoration. La deuxième catégorie, c'est l'invocation qui est du shirk, telle qu'invoquer les morts, ou invoquer une personne qui n'est ni vivante, ni présente, ni capable. Quel est le jugement de cette action? Le jugement de cette action, c'est du shirk, du polythéisme majeur, car il est strictement interdit d'invoquer les morts. Et donc invoquer une personne morte, ou invoquer par exemple une personne qui n'est pas présente, vivante et capable, ceci est du polythéisme majeur. La troisième catégorie, c'est l'invocation qui est permise. Elle consiste à demander à une personne capable, vivante, est présente. Car lorsqu'on revient à la définition de l'invocation d'un point de vue linguistique, on voit que l'invocation d'un point de vue linguistique signifie la demande. Donc l'invocation permise, c'est le fait que tu demandes à une personne qui est capable, vivante et présente. Tu demandes par exemple à ton voisin de t'aider dans ton déménagement. Il est vivant, il est capable et il est présent. Donc ça, c'est l'invocation qui est permise. Et ici, on ne parle pas, car certains, lorsqu'ils entendent ce genre de parole, ils pensent qu'ici, on parle d'invoquer la personne, c'est-à-dire lever ses mains et de l'invoquer comme on invoque Allah. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, c'est le simple fait de lui demander. Le simple fait de lui demander. Donc demander à une personne vivante, présente et capable, ceci est permis. Ceci est permis et c'est la troisième catégorie d'invocation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur, il dit la preuve concernant la peur. La preuve concernant la peur d'Allah se trouve dans la parole d'Allah, selon le sens, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc concernant la peur, elle se divise en quatre catégories. La peur se divise en quatre catégories. La première peur, c'est la peur d'adoration. Et cette peur-là, elle se divise elle-même en deux catégories. La première catégorie, c'est la peur obligatoire. C'est la peur qui te pousse à faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a interdit. Donc ça, c'est la première peur d'adoration et c'est une peur qui est obligatoire. Ensuite, nous avons la deuxième peur qui est recommandée. C'est celle qui va te pousser à faire ce qui est recommandé et à délaisser ce qui est détestable. Donc ça, ikhwani fillah, c'est la première catégorie. La peur d'adoration qui se divise en deux catégories. Obligatoire, celle qui te pousse à faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a interdit. Et la peur recommandée, celle qui va te pousser à faire ce qui est recommandé et à délaisser ce qui est détestable. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie. La peur qui est du shirk. Elle consiste à avoir peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah ou plus encore. Donc elle consiste à avoir peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah ou plus encore. Prenons l'exemple des croyants. Les croyants, ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, les fasse rentrer en enfer. Et donc, imaginons qu'une personne viendrait à avoir peur d'une autre personne, qu'il la fasse rentrer en enfer. Ceci est du shirk, car cette peur-là est réservée strictement à Allah. On ne peut pas avoir peur d'une autre personne de cette manière. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire rentrer la personne en enfer. Et donc si une personne viendra à avoir peur d'une autre personne, qu'elle la fasse rentrer en enfer ou qu'elle fasse rentrer ses enfants en enfer, ceci est du shirk. Car ici, elle a eu peur d'Allah, elle a eu peur d'autre qu'Allah, comme elle a peur d'Allah. Et donc, ceci, ikhwani fillah, est la deuxième catégorie. Et le jugement de cette peur, c'est que c'est du shirk. Donc du polythéisme majeur. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, qui est la peur naturelle. C'est la peur que tu vas avoir pour un animal, tel qu'un lion, ou tel qu'un tigre, ou un animal féroce. Donc cette peur-là, elle est naturelle. Et il n'y a pas de mal à avoir peur d'une chose, d'une peur naturelle, car c'est une chose qui est pour tout le monde. Ensuite, nous avons la quatrième catégorie, qui est la peur de désobéissance. Et cette peur-là, c'est la peur naturelle, mais plus encore. Car cette peur naturelle-là, elle va pousser la personne à désobéir à Allah. Elle va pousser cette personne à désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le jugement de cette peur, c'est le jugement de la chose qui a été faite ou délaissée. Prenons l'exemple d'un enfant. Comme vous savez, en règle générale, l'enfant a peur de son père. Et cette peur-là est naturelle. Maintenant, imaginons que cette peur qui est naturelle pousse l'enfant à désobéir à Allah. Il pousse l'enfant à désobéir à Allah. Et comme cet enfant a peur de son père, il désobéit à Allah. Donc ici, on va appeler ça la peur de désobéissance. Car à la base, c'était une peur naturelle, mais cette peur-là l'a poussé à désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc le jugement de cette peur, ça va être le jugement, elle va avoir le jugement de la chose qui a été faite. Imaginons que l'enfant, il a peur de son père et cette peur-là le pousse à boire de l'alcool. Alors le jugement de cette peur aura le jugement de boire de l'alcool. Et boire de l'alcool, c'est un grand péché. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Ou plutôt la quatrième catégorie et dernière catégorie concernant la peur. Donc après la peur, l'auteur, rahimahullah, il mentionne l'espoir et il dit, la preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah selon le sens, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ici, l'auteur, il a mentionné l'espoir après avoir mentionné la peur. Et la question qu'on peut se poser ici, Khwanifillah, est-ce que l'auteur, il a fait ça volontairement ou bien il ne l'a pas fait volontairement? C'est-à-dire de placer l'espoir après la peur. La réponse à cette question est que l'auteur a fait cela volontairement. Et il veut nous montrer ici que le musulman doit toujours être entre la peur et l'espoir. Le musulman doit toujours être entre la peur et l'espoir. Il doit être entre la peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et entre l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et donc il doit toujours avancer comme cela, c'est-à-dire être placé la peur et l'espoir au même niveau. Sauf que certains savants, ils mentionnent que lorsque tu es malade, tu dois faire prédevancer l'espoir. Tu dois faire prédevancer l'espoir lorsque tu es malade. Mais par contre, lorsque tu es en bonne santé, tu dois faire prédevancer la peur. Et l'explication à cela, c'est que lorsque tu es en bonne santé et que tu fais prédevancer la peur, d'accord, juste un peu, ceci va te permettre de multiplier les œuvres. Ceci va te permettre de multiplier les œuvres. Pourquoi? Car tu auras peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu auras peur qu'Allah, par exemple, te fasse rentrer en enfer. Et donc, tu vas multiplier les œuvres. Et cette peur-là va te pousser à multiplier les œuvres. Au contraire, lorsque tu es malade, Tu es par exemple alité, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller à la mosquée, tu ne peux pas faire ce que tu fais d'habitude. Les savants, ils disent à ce moment-là, tu fais prédevancer l'espoir, car tu ne peux pas œuvrer. Car tu ne peux pas œuvrer. Et donc ici, tu ne fais pas prédevancer la peur. Pourquoi? Car cette peur-là ne va pas te pousser à œuvrer, vu que tu ne peux pas œuvrer dans ton état. Donc certains, ils mentionnent que la peur, elle doit être au même niveau tout le temps. Et certains mentionnent que lorsque tu es malade, tu dois faire prédevancer l'espoir. Et lorsque tu es en bonne santé, tu dois faire prédevancer donc l'espoir lorsque tu es en bonne santé, à fois de la peur quand tu es en bonne santé, et l'espoir lorsque tu es malade. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et concernant le verset que l'auteur a mentionné, l'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, il nous dit à propos de ce verset, ceci nous montre que l'espoir seul ne suffit pas et qu'il faut œuvrer. Fin de citation. Car dans ce verset de Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon le sens, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Allah, il dit par la suite, selon le sens, qu'il fasse de bonnes œuvres. Qu'il fasse de bonnes œuvres. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit que seulement espérer, cela ne suffit pas. Il faut, avec l'espoir, œuvrer. Et ceci vient réfuter, ikhwani fillah, la compréhension de certaines personnes. Lorsque tu vas conseiller une personne qui fait des péchés, qui boit de l'alcool, par exemple, ou une femme qui ne porte pas le voile, qu'est-ce qu'elle va te dire? Allah est miséricordieux. Allah est doux. Allah va me faire miséricorde. Elle espère en la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais elle ne fait pas les causes. Elle ne fait pas les causes qui sont ici, délaisser ses péchés et se conformer à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la voie authentique, c'est d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, espérer qu'il te fasse rentrer au paradis, espérer sa miséricorde tout en faisant les œuvres. Tout en faisant les œuvres. Tu pries, tu jeûnes, tu as un bon comportement, tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et tu délaisses ce qu'il t'a interdit et tu espères en ça, en sa miséricorde et en sa clémence. Et concernant l'espoir, il se divise en trois catégories. Donc la première catégorie, nous avons l'espoir d'adoration. C'est le fait d'espérer en Allah tout en faisant les causes. Tout en faisant les causes. La deuxième catégorie, c'est l'espoir qui est du shirk. C'est le fait d'espérer en autre qu'Allah comme on espère d'Allah ou plus encore. Et on reprend un exemple similaire de l'exemple de tout à l'heure. Certains, ils espèrent en certaines personnes pour qu'ils les fassent rentrer au paradis. Et ceci est du shirk. Car cet espoir-là, nous devons l'avoir uniquement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant espère en Allah pour l'entrée au paradis. Et ceci est du shirk de vouer cette espérance, cet espoir plutôt, excusez-moi, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette deuxième catégorie consiste à espérer en autre qu'Allah comme on espère d'Allah, ou plus encore, et le jugement de cet espoir, c'est du polythéisme majeur. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, c'est le fait d'espérer en une personne vivante, présente et capable. Imaginons que Mohammed cherche du travail et Zayd est bien placé dans une entreprise. Et donc Mohammed espère de Zayd qui va l'aider à rentrer dans ce travail. Zayd, il est présent, vivant et capable. Donc ici, c'est permis. Il peut espérer en Zayd concernant cette histoire, cette affaire, tout en sachant que c'est Allah qui facilite. Tout en sachant que c'est Allah qui facilite. Lorsque tu espères que quelqu'un t'aide, et toujours à l'esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Si Allah ne veut pas cette chose, la personne qui est censée t'aider peut faire ce qu'elle veut. Cette chose-là, si Allah ne veut pas, ne se passera pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc concernant la suite, on continuera, incha'Allah, la semaine prochaine.